La nuit s'efface, cendre et braise, les ombres s'éloignent, la guerre apaise. Raderskell avance, silhouette dans la brume, chaque pas grave, un nouveau volume. Les flammes dansent encore sur les ruines, la terre tremble sous les racines. Le passé brûle dans le souffle court, le présent forge notre parcours. Une lueur fragile perce la nuit, le feu sacré jamais. Garde l'œil vigilant, le cœur bat au rythme des chants. L'unité forge une armure d'espoir qui brille même dans le noir. Appel des cendres, voix d'acier, nos âmes unies pour avancer. Riders qu'il guidait. Chaque combat grave notre destin. Terre meurtrie, espoir de fer, la foi brûle dans l'été. Le vent hurle, la bataille s'engage, les ennemis tombent pris en otage. Nos voix s'élèvent, un chant de force, une âme ardente. Le sol résonne sous nos pas d'acier. Sur cette terre, rien n'a cédé. On panse les plaies, relève les âmes. Chaque blessure allume la flamme. La solidarité se fait bouclier. Face au danger bien dressé, on tient la ligne unie et fort, même quand le monde s'effondre dehors. Un cri s'élève clair et puissant, le cœur bat fort l'instant présent. La lumière pas résonne, le combat s'étend. Riders qu'il mène, inébranlable et grand. La forêt vibre sous la colère. Nous avançons loin des frontières. Dans le feu, nos esprits s'unissent pour que jamais l'ombre ne nous trahisse. Le silence revient. Les âmes reposent mais restent prêtes à relever le défi de la quête. Les feuilles dansent, la tension persiste, mais la force est là, elle insiste. Riders qu'il sourit prêt à frapper. Flamme s'allume, éclat de vie, la troupe s'élance en harmonie. La marche continue, battement fort, sous les arbres résonne l'effort. Chaque nom gravé dans la mémoire, héros d'ombre, gardien d'espoir. Appel des cendres, voix d'acier, Riders qui le guide à l'âme guerrière. Dans Russe, nos chants percent la nuit. Chaque victoire allume la vie. Unis par la terre, la foi, le sang, c'est notre monde, notre rang. Le jour se lève. Espace, Riders qu'il passe.